Bonjour, vous êtes sur le répondeur d'Héloïse Pinson. Vous pouvez me laisser un message. Héloïse, ma chérie, c'est mamie. Tu es fatiguée? Tu n'es pas en forme? Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu restes en ville. Il faut sortir de Paris, ma petite fille. Viens à la maison. Ici, c'est la campagne. Tu peux prendre 4 ou 5 jours de vacances. Moi, j'ai 75 ans et je suis en pleine forme. Bon, j'ai mal aux yeux parce que je suis vieille. Mais tu sais, j'ai marché 8 kilomètres ce matin. Je n'ai pas mal aux pieds et je me sens très bien. Bisous.